بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence donc aujourd'hui le cours 19 dans les explications du livre Al-Mulakhas Al-Fiqhi, le chapitre Tayyib. Donc on commence donc le cours 18, comme je disais, Kitab Al-Talaq. Au dernier cours, on a expliqué la différence entre At-Talaq Al-Sunni et At-Talaq Al-Bid'i. Hein? Et qui est capable de me rappeler les différences entre, ou bien c'est quoi les conditions pour qu'un talaq soit un talaq sunni et qu'il soit en accord avec la sunna? Si vous vous souvenez, on avait expliqué qu'il y a un talaq sunni par rapport au nombre, puis par rapport au temps. Oui. Bon, pour être plus précis, peut-être pas dire le divorce plus qu'une seule fois. Naam. Donc ça c'est at-talaq sunni. Ça veut dire que pour que le talaq soit correct et qu'il soit en accord avec la sunna et qu'il soit bien, eh bien il faut le faire selon les règles de l'islam. Et parmi les règles, il y a des questions qui ont rapport avec le temps et des règles qui ont rapport avec le nombre. Par rapport au nombre, ou par rapport au temps en premier, c'est que la personne n'a pas le droit de prononcer le divorce lorsque la femme elle a sa période de menstrue. D'accord? Donc si elle a sa période de menstrue, c'est pas permis de prononcer le divorce. Et également, si la personne, la femme, elle a terminé ses menstrues et qu'elle s'est purifiée, eh bien on n'a pas le droit de prononcer le divorce si on a eu un rapport sexuel avec elle après qu'elle se soit purifiée. Si on a eu un rapport avec elle, alors dans ce cas-là, c'est interdit de la divorcer. Il faut attendre à la prochaine menstrue, ou bien à moins que la femme elle est enceinte. Alors là, dans ce cas-là, oui, si elle est enceinte, c'est permis. Mais il faut qu'on sache que, il faut qu'on voit qu'elle est enceinte. Hein, quand on a remarqué que, par exemple, après la fin de sa menstrue, ou bien après avoir les rapports intimes avec elle, elle n'a pas eu ses menstrues par la suite, et que on a fait les tests, on a vu qu'elle est enceinte, alors dans ce cas-là, c'est permis de la divorcer. Sauf que la période de Idda, ça va terminer quand elle va accoucher. Donc, entre-temps, il y a possibilité et beaucoup de temps pour réfléchir et pour décider de justement reprendre la femme et de ne pas aller jusqu'au bout, hein, dans le divorce. D'accord? Donc, tout ce qui est mentionné dans la charia par rapport au divorce, c'est dans le but de mettre des règles pour faire en sorte que les gens ne se précipitent pas dans le divorce pour aller par la suite avoir des remords, hein, parce qu'ils se sont précipités, ils ont divorcé sans réfléchir. Aussi dans le nombre, on n'a pas le droit de prononcer le divorce plus qu'une fois, hein, à la fois. C'est-à-dire, lorsqu'on prononce divorce, on va prononcer le divorce une seule fois. On dit « anti taliq » une fois. On ne va pas répéter plusieurs fois le talaq, parce que si on le prononce plusieurs fois, eh bien, le résultat de ça, c'est que on a fermé une porte qui était ouverte et on a limité quelque chose qui était yani large, et on a rendu quelque chose restreint qui était, hein, ouvert. Dans le sens que tu pouvais prononcer le divorce et décider que tu t'es trompé et reprendre ta femme. Mais si tu prononces le divorce trois fois d'un seul coup, eh bien là, ça veut dire que tu n'as plus de possibilité de la reprendre. Hein? Alors peut-être que là, après, tu vas avoir des remords. Tu te dis, mais pourquoi j'ai prononcé le divorce? Mais il est trop tard maintenant parce que tu l'as déjà dit trois fois. Hein? Donc ça, c'est des exemples du talaq al-bid'i. Si quelqu'un il veut reprendre sa femme, ça c'est ce qu'on appelle raj'a, hein, et on va en parler juste après, parce que le prochain chapitre c'est à propos de raj'a, et on va voir qu'est-ce qu'il faut faire quand quelqu'un il a prononcé le divorce, s'il veut reprendre sa femme, C'est quoi les règles à ce sujet-là aussi? Donc, maintenant qu'on a parlé de al-talaq al-sunni et al-talaq al-bid'i en détail au dernier cours, maintenant on va parler de des termes qui sont employés dans le but de prononcer le divorce. C'est-à-dire, c'est quoi les formules qui sont acceptables pour que le divorce soit prononcé et accepté? Eh bien, il y a deux catégories de termes ou de formules qu'on peut employer pour le divorce. La première catégorie, c'est al-alfaz al-sariha, et la deuxième, c'est al-alfaz al-kinaiya. Hein? Al-alfaz al-sariha, c'est les expressions qui sont explicites, c'est-à-dire qui mentionnent le fait de vouloir divorcer de façon clair et explicite. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dedans. Tandis que al-alfaz al-kinaiya, c'est des termes qui peuvent supposer ou impliquer qu'on veut divorcer, mais ce n'est pas explicite, ce n'est pas clair. Ça peut vouloir dire autre chose que le divorce. Alors, dans ce cas-là, il y a des règles. D'accord? Donc, le cheikh, il explique, il dit al-qism al-awwal al-faz, hein, al-faz al-talaq tanqasimu ila qismain. Al-qism al-awwal الفاظ صريحة وهي الفاظ الألفاظ الموضوعة له التي لا تحتمل غيره وهي لفظ الطلاق وما تصرف منه من فعل ماض كطلقتك واسم فاعل أنت طالق واسم مفعول كأن يقول أنت مطلقة دون المضارع والأمر مثل تطلقين واطلقي واسم الفاعل من الرباعي كأنت أنت مطلقة فلا يقع بهذه الألفاظ الثلاثة طلاق لأنها لا تدل على الإيقاع. Donc ici le cheikh il explique que il y a des termes qui sont explicites, qui ont été établis dans la charia pour désigner le divorce et qui ont été placés pour ça et qui ne peuvent impliquer autre chose que le divorce. Et ces termes-là sont reliés au mot talaq, hein, le divorce, et tout ce qui découle de ce terme. Comme par exemple talaqtuka, ou plutôt talaqtuki, hein. Donc l'homme il va dire à sa femme je t'ai divorcé au passé. Talaqtuki, c'est-à-dire je t'ai divorcé. Ça compte. Si la personne dit anti taliq, il utilise ismu fa'il anti taliq, hein, tu es divorcé. Ou bien ismu maf'ul anti mutallaqa, tu es divorcé. Ça veut dire ces trois termes-là, si quelqu'un l'utilise et le dit en arabe, hein, ou en français, il dit je te divorce, ou je t'ai divorcé, ou tu es divorcé. Ça, dans ce cas-là, ça veut dire que l'affaire est claire et le divorce a lieu. Maintenant, s'il utilise le verbe impératif ou le présent, le verbe impératif, comme par exemple tatliqin ou itliqi, le cheikh il dit non, ça compte pas. Il ne faut pas que ce soit un verbe impératif et il ne faut pas que ce soit non plus ismu fa'il min al-ruba'i anti mutalliqa. Ismu fa'il min al-ruba'i, dans ce cas-là, mutalliqa, ça compte pas non plus, parce que il dit ça n'indique pas que la chose s'est produite, que le divorce s'est produit. En ce qui concerne les termes, donc pour revenir en arrière pour que ce soit clair, les termes qu'on peut utiliser pour dire que la personne est divorcée, c'est talaqtuki, anti taliq ou anti mutallaqa. Ça c'est les trois formules. Maintenant les termes qui sont sous-entendus ou qui ne sont pas explicites par rapport au divorce, il dit wa hiya al-alfaz allati tahtamilu at-talaq wa ghayrahu ka'an yaqul anti khaliya wa bari'a wa ba'in anti hurra aw ukhruji walhiqi bi ahliki wa ma ashbaha dhalik والفرق بين الألفاظ الصريحة والألفاظ الكناية في الطلاق أن الصريحة يقع بها الطلاق ولو لم ينوه سواء كان جادا أو هازلا أو مازحا لقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد والنكاح والطلاق والرجعة رواه النسائي ورواه الخمسة إلا النسائي. وأما الكنائية أو الكناية فلا يقع بها الطلاق إلا إذا نواه نية مقارنة لللفظة، لأن هذه الألفاظ تحتمل الطلاق وغيره من المعاني، فلا تتعين للطلاق إلا بنيته، فإذا لم ينوي بها الطلاق لم يقع إلا في ثلاثة حالات. يعني les paroles des فقهاء elles sont très précises, elles sont très très claires. Donc ici le cheikh il dit qu'il y a d'autres termes on peut employer pour dire le divorce mais qui ne sont pas explicites et qui ne sont pas clairs, qui peuvent impliquer le divorce ou autre chose que le divorce. Comme par exemple si quelqu'un dit hein, ça y est, je te laisse, hein, je suis séparé de toi, ou bien je suis innocent de toi, ou bien tu es libre, sors. Hein? Il dit à sa femme, sors, hein? Va chez ta famille, va chez tes parents, ou des choses comme ça. Il dit, ça peut vouloir dire le divorce si la personne l'a impliqué, c'était ça son intention. Si son intention c'était de dire ça à sa femme dans le sens qu'elle est divorcée, alors dans ce cas-là, ça peut avoir le sens du divorce. Mais si l'intention de la personne c'était pas le divorce, alors dans ce cas-là, ça va pas être un divorce. Donc, la différence entre les deux, c'est la différence entre les termes explicites et les termes qui sont pas explicites, c'est justement que les termes explicites, l'intention n'a pas de lien. C'est-à-dire, la personne qui l'a prononcé, même si elle plaisantait, même si elle le disait comme pour rire ou pour jouer, ça compte quand même. Si c'est des termes explicites. Mais si c'est des termes qui ne sont pas explicites, alors dans ce cas-là, si la personne les prononce, eh bien, il faut demander à la personne, c'était quoi ton intention? Est-ce que ton intention c'était de divorcer ou non? Excepté dans trois cas. Hein, parce que le cheikh il a mentionné le hadith qui dit il y a trois choses. Si tu les dis quand t'es sérieux, c'est sérieux, ça compte. Et si tu les dis en plaisantant, c'est sérieux aussi. Et ces trois choses-là, c'est quoi? C'est le mariage, le divorce et le fait de reprendre sa femme après l'avoir divorcée. Ces trois choses-là, même si tu le dis en plaisantant ou pour jouer ou il n'y en était pas sérieux, eh bien ça compte quand même. Et tandis que les termes sous-entendus, hein, al-kinayat, eh bien ça ne va pas avoir lieu, le divorce ne va pas être effectif, excepté si la personne avait son intention rattachée à cette expression-là qu'il a utilisée. Hamza, relève-toi. Hein? Un jeune comme toi, là, avec beaucoup d'énergie et de force. Barakallahu fik. Donc, ces termes-là, yani, c'est des termes donc, qui peuvent avoir un sens du divorce, mais ça peut aussi avoir un autre sens. Et donc, c'est pour ça qu'on va dire qu'ils ne vont pas être appliqués ou utilisés dans le sens du divorce, excepté s'il y a une intention derrière. Sauf que, donc on va dire que ces termes-là qui ne sont pas explicites ne vont pas avoir l'effet du divorce, excepté dans trois cas. Et là, il mentionne le cheikh les trois cas. Al-awwal, idha talaffaza bil-kinayati fi hali khusumatin baynahu wa bayna zawjatihi. Al-thaniya, idha talaffaza biha fi hali ghadabin. والثالثة إذا تلفظ بها في جواب سؤالها له الطلاق ففي هذه الأحوال يقع بالكناية طلاق ولو قال لم أنوه لأن القرينة تدل على أنه نواه فلا يصدق بقوله لم أنوه والله أعلم. Donc le cheikh il dit les trois cas dans lesquels les expressions qui ne sont pas explicites vont compter comme un divorce, les trois cas sont les suivants. Le premier cas, lorsque la personne a prononcé ces expressions-là, hein, alors qu'il était en train de se disputer avec sa femme. Le deuxième exemple, c'est lorsqu'il les prononce alors qu'il était en colère. Et le troisième cas, c'est lorsqu'il l'a prononcé en réponse à une demande de la part de sa femme de le divorcer. Donc si par exemple sa femme elle lui dit « divorce-moi », puis lui dit « va-t'en, hein, sors, va chez tes parents », des choses comme ça. Il dit dans ce cas-là, on va calculer ça comme étant un divorce parce que même si la personne elle dit « non, c'était pas mon intention, mon intention c'était pas de lui dire de divorcer », mais il dit par rapport au contexte, on peut comprendre que la personne, même si elle dit que c'était pas son intention, c'était ça son intention. Ou lorsqu'il est en colère, ou lorsqu'il est en train de se disputer avec elle. Donc, on va pas croire quand il va dire « non, j'ai pas eu cette intention-là, c'était pas mon intention. » Wallahu a'lam. Après, le shaykh, il dit « وَيَجُوزُ لِلزَّوْجِ أَنْ يُوَكِّلَ مَنْ يُطَلِّقَ عَنْهُ سَوَا أَكَانَ الْوَكِيلُ أَجْنَبِيًا أَوْ كَانَتِ الزَّوْجَ أَوْ كَانَتِ الزَّوْجَ يعني فَيَجُوزُ أَنْ يُوَكِّلَهَا فِيهِ ويجعل أمرها بيدها فيقول الوكيل فيقوم الوكيل مقامه في الصريح والكناية والعدد ما لم يحدد له حدا فيه. يعني ça c'est une chose aussi, c'est que il est permis dans le, pour le mari dans l'islam, lorsque il veut divorcer sa femme, de choisir une personne ou de désigner une personne qui va être le garant à sa place de son divorce. C'est-à-dire qu'il va déléguer quelqu'un qui va prononcer le divorce en son nom ou à sa place. Et ça peut être une personne étrangère, c'est-à-dire c'est pas obligé d'être quelqu'un de sa famille ou un proche, et ça peut également être sa femme elle-même. C'est-à-dire il peut déléguer le divorce de sa femme à sa femme. Et il dit à sa femme, je te délègue, hein, ton divorce. C'est-à-dire, tu peux te divorcer toi-même quand tu veux. Et là, elle va elle-même, prononcer le divorce quand elle voudra se divorcer de son mari parce qu'il a mis le divorce en sa main. Hein, le pouvoir, ou l'ordre du divorce, il lui a désigné, il lui a mis dans sa main. Et donc, dans des cas comme ça, la personne qui a été garante ou qui a été désignée pour divorcer la personne, eh bien, il peut la divorcer de façon explicite. Elle peut prononcer le divorce de façon explicite ou bien sous-entendue et dans le nombre que la personne le fait. Tu vois, si elle veut le prononcer un certain nombre de fois, tant que la personne qui a désigné l'autre pour divorcer à sa place n'a pas mis une limite dans la loi kala, d'accord. Et il dit wala yaqa'u at-talaqu minhu wala min wakilihi illa bit-talaffuz bihi falaw nawahu biqalbihi lam yaqa' hatta yatalaffaz ويحرك لسانه به لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم فلا يقع الطلاق إلا بالتلفظ به إلا في حالتين. الحالة الأولى إذا كتب صريح الطلاق كتابة تقرأ ونواه يقع وإن لم ينويه فعلى قولين والذي عليه الأكثر أنه يقع. والحالة الثانية التي يقع فيها الطلاق بدون تلفظ إشارة الأخرس بالطلاق إذا كانت مفهومة. Donc le cheikh il dit que le divorce ne va pas se produire de la part du mari ni de la part de son délégué, celui qu'il a choisi pour divorcer à sa place, excepté s'il prononce le divorce avec sa bouche. Hein? Si la personne elle dit juste avec son intention dans son cœur, sans le prononcer, ça va pas être un divorce. Si quelqu'un il dit dans son cœur, il a l'intention de divorcer, il dit ça dans son cœur, ça ne va pas compter. il faut que le mot soit prononcé et que sa langue bouge. Hein? Et il dit, et ça c'est basé sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapportée par Al-Bukhari et Muslim, selon Abi Huraira radiyallahu anhu, que Allah subhanahu wa ta'ala, il va passer par-dessus ce que la Umma a dit en elle-même, ou qu'est-ce qu'elle a eu comme intention, tant qu'elle ne l'a pas mis en pratique, et tant qu'elle n'en a pas parlé, tant qu'elle n'a pas dit avec sa bouche. Donc, le divorce ne va pas être valable, ou ne va pas être exécuté, excepté s'il a été prononcé avec la langue, excepté dans deux cas. Le premier cas, c'est lorsque la personne, elle écrit le divorce, hein, et que ça, c'est une écriture qui est lisible, alors dans ce cas-là, ça compte. Et certains ulama ont mentionné que, à condition qu'il a l'intention que de divorcer quand il l'écrit. Et d'autres ulama ont dit, hein, d'autres ulama ont dit non, même s'il n'a pas l'intention, du moment qu'il l'a écrit, ça compte. Hein, comme s'il l'avait prononcé. Et dans l'autre cas, hein, l'autre cas qui est mentionné par les ulama, c'est lorsque la personne, elle est muette et qu'elle fait un signe, hein, avec ses mains qui indique le divorce et que c'est un signe qui est compréhensible. C'est-à-dire, comme les muets, par exemple, qui parlent avec le langage des signes, si dans le langage des signes, il fait le signe du divorce, alors dans ce cas-là, ça va compter aussi. D'accord? Mais ça, c'est le cas de la personne qui est muette. En principe, s'ils n'avaient pas divorcé, ils sont encore mariés. Même s'ils n'étaient pas physiquement ensemble. Wallahu a'lam. Naam. أما عدد الطلاق فيعتبر بالرجال حرية ورقا لا بالنساء لأن الله خطب به الرجال خاصة كما قال تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وقال تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطلاق لمن أخذ بالساق فيملك الحر ثلاثة تطليقات وإن كان تحته أمة ويملك العبد تطليقتين وإن كان تحته حرة ففي حال حرية الزوجين يملك الزوج ثلاثا بلا خلاف وفي حال رق الزوجين يملك الزوج تطليقتين أو نعم طلقتين بلا خلاف وإنما الخلاف فيما إذا كان أحد الزوجين حرا والآخر رقيقا والصحيح أن الاعتبار بحالة الزوج حرية ورقة كما سبق لأن الطلاق حق للزوج فاعتبر به. En ce qui concerne le nombre de talaq, le nombre de divorces que la personne peut prononcer, on tient compte de l'homme, hein, des hommes et non pas des femmes, qu'ils soient esclaves ou libres. On ne tient pas compte de la femme, de l'état de la femme, mais on tient compte de l'état de l'homme, s'il est libre ou esclave. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, dans les versets du Coran au sujet du divorce, s'est adressé à l'homme. Donc le divorce c'est entre les mains de l'homme et non de la femme. Et comme on a mentionné le verset 1 dans Sourate At-Talaq, ô prophète, lorsque tu divorces les femmes, alors divorce-les, li'iddatihinna, yani selon pendant leur période de pureté et dans lesquelles on n'a pas eu de rapport intime avec elles. Et il dit, wa qala ta'ala, wa idha tallaqtum an-nisa, donc lorsque vous divorcez des femmes et qu'elles atteignent leur terme. Donc, ça c'est les versets dans le Coran qui indiquent que le divorce est entre les mains des hommes et non des femmes. Et aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit dans le hadith qu'on a mentionné déjà, rapporté selon Ibn Majah et Ad-Darqutni, même si certains ulama ont mentionné que ce hadith-là il est faible, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui a attribué qu'il a dit le divorce est c'est pour celui qui prend la jambe, c'est-à-dire dans le sens que c'est l'homme qui détient le droit de divorcer. Et il dit donc la personne libre, l'homme libre, il a le droit de divorcer trois fois, hein. Et ça c'est même si la femme avec laquelle il est marié est une esclave, il a le droit de la divorcer trois fois. Si c'est un esclave qui est marié avec une femme, il a le droit de la divorcer deux fois. C'est pas trois fois pour l'esclave. Pour l'esclave, c'est deux fois. Même si la femme avec laquelle il est marié est libre. Donc, si un homme est esclave, il a juste deux fois le droit de divorcer, pas trois. Oui, c'est ça. Donc, il dit dans le cas de la liberté des deux époux, si les deux époux sont libres, alors l'homme, le mari, il a le droit de divorcer trois fois, il n'y a pas de divergence là-dessus. Et dans le cas où les deux époux sont esclaves, eh bien le mari, il a le droit de divorcer deux fois, ça, il n'y a pas de divergence là-dessus. La divergence était uniquement dans le cas où un des deux époux était libre tandis que l'autre était esclave. Et il dit l'opinion correcte par rapport à ça, c'est qu'on tient compte de l'état du mari, qu'il soit esclave ou libre. Et s'il est esclave, il a le droit de divorcer deux fois. S'il est libre, il a le droit de divorcer trois fois. Hein, et c'est uniquement le droit de l'homme. Et on tient uniquement compte donc de l'homme par rapport à ça. Ensuite, le cheikh il dit « Yajuzu al-istifna'u fi al-talaqi » ويراد به إخراج بعض الجملة بلفظ إلا أو ما يقوم مقامها والاستثناء هنا إما أن يكون من عدد التطليقات كأن يقول أنت طالق ثلاثا إلا واحدة وإما أن يكون من عدد المطلقات كأن يقول نساء طوالق إلا فاطمة مثلا وعلى كل يشترط لصحته في الحالتين أن يكون المستثنى مقدار نصف المستثنى منه فأقل وإن كان المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه كما لو قال أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين لم يصح ويشترط أيضا التلفظ بالاستثناء إذا كان موضوعه الطلقات أو الطلقات فلو قال أنت طالق ثلاثا ونوى إلا واحدة وقعت الثلاث لأن العدد نص فيما يتناوله فلا يرتفع بالنية لأنه أقوى منها ويجوز الاستثناء بالنية من النساء فلو قال نساء طوالق ونوى إلا فلانة صح الاستثناء فلا تطلق من نوى استثناءها لأن لفظة نساء تصلح لكل وللبعض فله ما نوى. OK, le cheikh explique que on peut également dans le divorce faire des exceptions ou des exclusions dans le divorce, et ça peut être dans le nombre et ça peut être dans les femmes divorcées, dans le sens que quelqu'un peut dire je te divorce trois fois excepté une, par exemple. Donc dans ce cas là il va avoir divorcé sa femme deux fois. Déjà on a expliqué que divorcer plus qu'une fois à la fois c'est pas permis, mais c'est des exemples que les ulama mentionnent dans les livres de fiqh pour dire que si quelqu'un a mis une exception dans sa phrase ou dans sa formule de divorce, eh bien on tient compte de cette exception-là. Il dit par exemple, je divorce toutes mes femmes excepté Fatima. Alors dans ce cas-là, ça va compter. Ouais? Si la personne, par exemple, il a quatre femmes, il dit je divorce mes femmes excepté Fatima, donc ça veut dire que ça va compter, la chose va compter. Sauf que pour que ça marche ou pour que ça soit correct, il y a une condition, et c'est que dans les deux cas, que ce soit moins que la moitié. Hein? Miqdar nisf al-mustathna minhu fa'aqal. Il faut que ce soit moins que la moitié. Il ne faut pas que ce soit plus. Si c'est plus que la moitié, alors dans ce cas-là, ça ne comptera pas. Donc, c'est ça. Il ne peut pas dire, par exemple, je te divorce trois fois, excepté deux. Parce que là, c'est plus que la moitié. Hein? Ou bien, dans les femmes aussi, la même chose. Et il dit, par exemple, que s'il a prononcé le divorce trois fois, il dit, je te divorce trois fois, mais dans son intention, dans son cœur, il voulait dire excepté une fois, on ne tient pas compte de son intention, on tient compte uniquement du nombre qu'il a prononcé, parce que dans ce cas-là, le nombre est plus fort, la prononciation, qu'est-ce qu'il a prononcé est plus fort que qu'est-ce qu'il a eu comme intention. Et nous, on n'a pas moyen de savoir ça. En même temps aussi, si par exemple, il a dit, je divorce mes femmes, mais dans son intention, il avait dit excepté une, eh bien dans ce cas-là, yani, on tient compte de son intention pour ce cas-là. Pourquoi? Parce que le fait de dire Nisa'i, hein, je divorce mes femmes, excepté une, s'il dit je divorce mes femmes, ça peut vouloir dire toutes ou ça peut vouloir dire certaines. Donc, dans ce cas-là, on va prendre en considération son intention dans ce cas-là. S'il dit par la suite, non, mais mon intention c'était juste hein, celle-là et celle-là et celle-là et pas elle. Donc, dans ce cas-là, on va dire ok, d'accord. C'est-à-dire que s'il sait qu'elle est enceinte et qu'il la divorce, il va rester avec elle jusqu'à la fin de sa idda. Puis si entre-temps il décide de la reprendre, bien il pourra la reprendre. Ah, tu veux dire qu'il a divorcé trois fois? Oui, ok. Donc dans ce cas-là, s'il l'a divorcé trois fois, il ne pourra pas la reprendre après. Même si elle est enceinte. C'est-à-dire s'il la divorce trois fois pendant qu'elle est enceinte, il ne pourra pas la reprendre après. C'est pour ça qu'il ne faut pas prononcer le divorce trois fois, c'est interdit. Tu comprends? Naam, barakallahu fik. Après, le cheikh il dit: wa yajuzu ta'liq at-talaq bish-shurut wa ma'nahu tartibuhu 'ala shay'in hasil aw ihda akhawatiha ka'an yaqul in dakhalat ad-dar fa in dakhalti ad-dar fa anti taliq. فقد رتب وقوع الطلاق على حصول الشرط وهو دخول الدار وهذا هو التعليق ولا يصح التعليق إلا من زوج فلو قال إن تزوجت فلانة فهي طالق ثم تزوجها لم يقع لأنه حين التعليق ليس زوجا لها لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا لا نظر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق فيما لا يملك ولا طلاق فيما لا يملك رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن فدلت الآية والحديث على أنه لا يقع الطلاق على الأجنبية وهذا بالإجماع إذا كان منجزا وعلى قول الجمهور إذا كان معلقا على تزوجها ونحوه. Donc le cheikh il explique que également parmi les sujets qu'on retrouve dans les livres de fiqh sur cette question, donc on a vu, on parlait du divorce qui est sunni et bid'i, et après on a parlé de al-wakala fi at-talaq, fait qu'on a le droit de prendre quelqu'un, de désigner quelqu'un pour divorcer à notre place. Aussi, on a parlé de la question de al-istifna fi at-talaq. On a parlé de al-alfaz al-sariha wal-kina'iyya. Hein? Donc, les termes explicites, les termes pas explicites. Tout ça, c'est des sujets qui sont toujours expliqués dans les livres de fiqh par les ulama, soit en détail ou soit de façon résumée. Et parmi les sujets également que les ulama mentionnent au sujet du divorce, ils mentionnent al-istithna, les exceptions dans le divorce, et ils mentionnent aussi ce sujet-là dont on parle maintenant, qui est ta'liq al-talaq bi-shurut, c'est-à-dire de rattacher le divorce à des conditions, et que ça compte aussi. C'est comme si par exemple quelqu'un il met comme conséquence à quelque chose le fait qu'il y a un divorce qui va se produire. Comme par exemple, si quelqu'un dit à sa femme, si tu sors de la maison, tu es divorcé. D'accord ? Donc si la femme, elle, la condition dans cette phrase c'est quoi ? C'est de sortir de la maison, c'est ça la condition. Si la condition se produit, alors dans ce cas-là le divorce va avoir lieu. Le divorce va être effectif. Parce que la condition qui a été établie pour que le divorce ait lieu, s'est produite. Comme par exemple, l'homme il dit si tu, à sa femme, il dit à sa femme, si tu sors de la maison, tu es divorcé. Et qu'elle sort de la maison, alors le divorce a lieu dans ce cas-là. C'est comme s'il avait prononcé le divorce à ce moment-là. Donc ça, c'est ce qu'on appelle ta'liq al-talaq bi-shart, d'accrocher le divorce à une condition. Il dit, il n'est pas permis d'accrocher le divorce à une condition, excepté de la part d'un mari, l'homme qui est marié avec la femme. Si, par exemple, quelqu'un d'étranger peut pas faire une condition pour une femme qu'il n'a pas mariée encore. En voulant dire que si une femme elle n'est pas ta femme, tu peux pas la divorcer. C'est quelque chose d'un petit peu élémentaire et d'évident, mais c'est quelque chose que les ulama ils mentionnent ici. Il dit par exemple, si quelqu'un dit si une telle se marie, alors elle est divorcée. Puis après il se marie avec elle. Eh bien, le mariage ne va pas compter parce qu'il n'était pas marié avec elle au moment où il avait rattaché cette condition-là. Donc ça ne compte pas. Et il mentionne un hadith de Amr ibn Shu'aib, selon son père, selon son grand-père, qui a rapporté ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Il n'y a pas de vœu pieux pour un fils d'Adam dans ce qu'il ne possède pas. » C'est-à-dire, tu ne peux pas faire un vœu pieux en promettant ou en donnant qu'est-ce que tu ne possèdes pas. Tu ne peux pas non plus libérer un esclave qui ne t'appartient pas. Et tu ne peux pas non plus faire un divorce d'une femme qui n'est pas ta femme. Aussi, dans un autre hadith, un autre sujet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait « La tabi' ma la tamlik » Ne vends pas ce que tu ne possèdes pas. Tu ne peux pas vendre ce que tu ne possèdes pas. Ok. Et par rapport à ça, le cheikh il a rapporté donc ce hadith qui est rapporté par Ahmad, Abu Daoud et At-Tirmidhi qu'on vient de lire par rapport aux trois choses, le nadr, l'émancipation de l'esclave et le divorce. On ne peut pas le faire si on ne le possède pas, qu'est-ce qu'on ne possède pas, on ne peut pas le divorcer, ou une femme si ce n'est pas notre femme on ne peut pas la divorcer. Maintenant le verset que le cheikh a cité, le verset 49 dans Surat Al-Ahzab, ô vous qui avez cru, lorsque vous épousez des femmes croyantes puis que vous les divorciez, ça veut dire que tu ne peux pas la divorcer excepté si tu les avais épousées auparavant, d'accord. Et le verset et le hadith indiquent donc que le divorce ne peut avoir lieu sur une femme étrangère. Ça c'est selon le consensus des savants de l'islam, idha kana munjazan, une fois que le mariage a été complété. Et ça c'est selon la position de la majorité des ulama, et s'il est rattaché à une condition, eh bien c'est uniquement de la part du mari, une fois qu'il est marié avec elle, que ça peut se produire. Il dit fa idha allaqa at-talaq ala shart lam tutlaq قبل وجوده وإذا حصل شك في الطلاق ويراد به الشك في وجود لفظه أو الشك في عدده أو الشك في حصول شرطه فأما إن شك في وجود الطلاق منه فإن زوجته لا تطلق بمجرد ذلك لأن النكاح متيقن فلا يزول بالشك وإن شك في حصول الشرط الذي علق عليه الطلاق كأن يقول إذا دخلت الدار فأنت طالق ثم يشك في أنها دخلتها فإنها لا تطلق بمجرد الشك لما سبق وإن تيقن وجود الطلاق منه وشك في عدده لم يلزمه إلا واحدة لأنها متيقنة وما زاد عليها مشكوك فيه واليقين لا يزول بالشك وهذه قاعدة عامة نافعة في كل الأحكام وهي مأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ومن قوله لمن كان على طهارة متيقنة وأشكل عليه حصول ناقد أو حصول الناقد لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا وغيرهما من الأحاديث وهذا مما يدل على سماحة هذه الشريعة وكمالها فالحمد لله رب العالمين. Donc le cheikh il termine ce chapitre là en expliquant que la question de fait d'accrocher le divorce à une condition quelconque, si par exemple il y a une condition qui a été accrochée à un divorce, eh bien le divorce ne va pas avoir lieu excepté une fois que la condition est présente, d'accord, une fois que la condition est présente, alors ça va compter. Mais encore une fois, je dois répéter qu'est-ce qu'on a expliqué dans le cours précédent, que c'est pas quelque chose que un homme doit prendre l'habitude de faire, d'accrocher des menaces de divorce à chaque chose qu'il veut demander de sa femme. Peut-être qu'à force de faire ça, il risque d'oublier même qu'est-ce qu'il a accroché comme condition à chaque chose. Si tu sors de la maison, t'es divorcé. Si tu touches à ça, t'es divorcé. Si tu fais ça, t'es divorcé. Si tu fais ça, t'es divorcé. Si tu fais pas ça, t'es divorcé. À la fin, il se rappelle même plus, tellement il a accroché le divorce à plein de différentes choses. Et la femme, peut-être, elle va être divorcée plus que 3 fois à la fin. Si elle les fait toutes en même temps, ou une après l'autre, elle va être divorcée plusieurs fois. Donc ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon de faire ça. Et comme j'ai expliqué au dernier cours, le cheikh, il l'a mentionné lui-même, le cheikh Al-Fawzan, hafizahullah, il a dit, on ne doit pas utiliser le divorce comme une menace pour essayer de faire peur à la femme ou bien de la forcer à vouloir faire qu'est-ce qu'on veut qu'elle fasse à chaque fois. Parce que ça, c'est pas une façon d'agir. C'est pas une façon correcte d'agir. Et ça peut avoir des effets contraires parfois. La personne qui agit de cette manière-là, ça veut dire qu'elle n'a pas de... Elle ne sait pas comment discuter ou parler avec sa femme comme il faut pour essayer de lui expliquer qu'est-ce qu'il veut d'elle et pourquoi elle devrait le faire ou non, sans utiliser des menaces et sans utiliser le divorce comme menace, encore moins. Ouais, ça c'est une bonne question. La personne qui a dit ça, là, est-ce qu'il peut la reprendre? Mais parce que le divorce, comme on a expliqué, tout ce que tu fais quand tu prononces le divorce, c'est toujours sérieux, même si tu le dis pas pour de vrai. Et comme on a déjà expliqué, l'ignorance dans ces cas-là, c'est pas une excuse si la personne elle avait la possibilité d'étudier ou d'apprendre sa religion. Tu ne dois pas prononcer le divorce si tu sais pas comment faire le divorce. Apprends les règles du divorce en premier. Après, tu pourras prononcer le divorce comme il faut, selon les règles. D'accord? Donc parle pas dans la religion d'Allah sans science. Est-ce que tu vas penser à faire la salat si tu n'as pas appris comment faire la salat? Tu vas demander comment je dois faire la salat. Donc si tu vas demander comment faire la salat avant de faire la salat, la même chose, tu vas pas te marier si tu sais pas comment faire les règles du mariage. Tu vas te renseigner sur les règles du mariage. Quand c'est le temps de divorcer, tu dois te renseigner aussi sur les règles du divorce. Comment ça fonctionne? C'est quoi les règles? C'est quoi les conditions? Et ainsi de suite. Donc le cheikh il explique ensuite, donc pour savoir maintenant est-ce que tu peux revenir sur ça ou non et comment ça fonctionne, les détails de ça, je vais essayer de me renseigner plus en détail là-dessus pour avoir des réponses plus claires sur ça. Non, si la personne elle a prononcé le divorce une fois puis que la femme est par exemple dans sa idda, il l'a repris. Là, ça compte pour une fois. Si par exemple l'année suivante, il prononce encore une fois le divorce, eh bien là, ça va compter pour une deuxième fois. Le nombre, il revient pas à zéro. Non, il revient pas à zéro. Oui, là ça revient à zéro encore. S'il s'est divorcé 3 fois, puis qu'elle s'est remariée, puis son deuxième mari l'a divorcée, puis lui, il a repris encore sa première femme. Bon, il s'est remarié avec elle d'un nouveau mariage. Donc, à ce moment-là, le compte revient à zéro, si on veut. Ça veut dire quelqu'un qui joue, là. Hein? Ça, c'est quelqu'un qui joue avec le mariage. Ça, c'est pas sérieux. Le cheikh, il explique aussi que, donc, pour que le divorce ait lieu, il faut que quand il a rattaché le divorce à une condition, il faut que la condition se produise pour que le divorce ait lieu. Il dit wa amma in shakka fi wujud at-talaq. Donc c'est ça. Donc les doutes. Maintenant, il y a des fois, les gens, ils ont des doutes dans le divorce. Et les doutes au sujet du divorce, ça peut être de différentes choses. Ça peut être lié à différents points. Ça peut être les doutes au sujet de est-ce qu'il a prononcé le divorce. Ça peut être est-ce qu'il y a eu 3 fois ou 2 fois ou 1 fois, il ne se rappelle plus le nombre. Ça arrive souvent. Ou bien le doute, ça peut être sur est-ce que la condition elle a eu lieu ou non, est-ce que la condition s'est produite ou non. Donc le cheikh il mentionne ces 3 cas. Il dit en ce qui concerne le doute dans le fait que le divorce a été prononcé ou non, eh bien il dit dans ce cas-là sa femme ne va pas être divorcée uniquement par rapport à ce doute-là. Parce que il dit le cheikh, il dit le mariage, c'est ça la certitude, et le divorce c'est le doute, et ça c'est la règle dans la charia, al yaqin la yazulu bishak. C'est-à-dire si quelque chose est certain, cette certitude ne peut pas être éliminée par un doute ou enlevée par un doute. Et ça c'est une règle, comme le cheikh il le dit justement, que c'est une règle qui s'applique à tous les aspects de la charia, et donc la certitude elle n'est pas éliminée par le doute. Donc si, qu'est-ce qui est la certitude? C'est qu'il y a eu un mariage, ça on est certain. Mais qu'est-ce qu'on a comme doute? C'est qu'il y a eu un divorce. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui a la précédence? C'est la certitude. D'accord? L'autre exemple, il dit si on a eu un doute au sujet de la condition qui a été rattachée au divorce. Est-ce que cette condition-là a eu lieu ou non? Donc, par exemple, il a dit, si elle rentre à la maison, elle va être divorcée. Puis ensuite, il doute, est-ce qu'elle est rentrée ou non? Alors, dans ce cas-là, elle va pas être divorcée uniquement par rapport à ce doute-là. Encore une fois, à cause de la règle. La certitude n'est pas éliminée par un doute. Et il donne un autre exemple. Il dit qu'il est certain qu'il y a eu un divorce de sa part. Mais il a un doute au sujet des nombres. Est-ce qu'il a divorcé 1 fois ou 2 fois, ou il n'est pas sûr par rapport au nombre. Alors, dans ce cas-là, il va prendre qu'est-ce qui est certain comme nombre. C'est-à-dire le plus petit. Et qu'est-ce qui est douteux ou la chose sur laquelle il a un doute, eh bien, il ne va pas en tenir compte. Il va se baser sur le plus petit nombre, et qu'est-ce qui est au-dessus de ça, sur lequel il a un doute, il va pas en tenir compte parce que c'est comme on dit, al-yaqin la yazulu bishak. La certitude ne peut pas être éliminée par un doute. Et le cheikh dit que ça c'est une règle bénéfique dans toutes les règles de la charia et qui est tirée du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, laisse ce qui te fait douter pour ce qui ne te fait pas douter. Et c'est un hadith qui est rapporté par At-Tirmidhi selon Al-Hassan ibn Ali radiyallahu anhu, et aussi la parole qu'il a mentionnée à la personne au sujet de la purification ou du wudu. Lorsque la personne avait des doutes, elle a senti des mouvements dans son ventre, ou elle entend des bruits dans son ventre, puis elle est dans la salat, est-ce qu'elle doit sortir de la prière pour aller faire son wudu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit la yansarif hatta yasma'u sawtan aw yajid rihan. C'est-à-dire, tu ne dois pas sortir de la prière excepté si tu as entendu un bruit, hein, quand tu as eu un gaz, tu as entendu le bruit, ou tu as senti l'odeur et que tu es certain que ça vient de ça. Alors dans ce cas-là, tu es certain, ok. Mais si tu as un doute, tu sais pas si tu n'as pas entendu de bruit, ou tu n'es pas certain d'avoir entendu un bruit, ou tu n'es pas certain d'avoir senti l'odeur, alors dans ce cas-là, tu restes dans ta prière. Hein? Ou bien par exemple, quelqu'un, il est venu pour prier le Dhuhr, ou bien le Jumu'ah, il s'en va chez lui. Puis après, il revient pour l'Asr, puis après, il dit, oh, je ne sais pas si j'ai encore mon wudu. Mais il est certain que pour le Dhuhr, il avait fait son wudu, puis il est venu prier. Sauf que, qu'est-ce qu'il a comme doute? Il a le doute que, est-ce que j'ai perdu mon wudu ou non? Dans ce cas-là, il se base sur quoi? Il se base sur la certitude. La certitude, c'est quoi? Qu'il avait fait son wudu. Le doute, c'est quoi? Est-ce qu'il l'a perdu? Donc, la certitude a toujours précédence sur le doute. Et donc, tu ne tiens pas compte du doute. Tu tiens compte uniquement de la certitude. Donc, dans ce cas-là, tu as ton wudu. Tu rentres dans la mosquée, tu dis, ah, je sais pas si j'ai perdu mon wudu. Alors, dans ce cas-là, tu te bases sur la certitude, tu dis, j'ai mon wudu parce que je l'ai fait avant le dhuhr, je me rappelle, et je suis certain de ça. Donc, tu viens, tu fais ta prière, t'as pas besoin de refaire ton wudu encore. Sauf que si c'est la situation contraire, t'es certain de pas avoir fait ton wudu, mais tu doutes. Tu dis, je pense que je l'ai fait, mais j'ai un doute, je suis pas certain. Dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais? La certitude, tu ne l'as pas fait, c'est ça. Dans ce cas-là, la certitude, c'est que tu ne l'as pas fait. Le doute, c'est que tu as fait ton wudu. Alors, dans ce cas-là, la certitude, elle a précédence sur le doute. Donc, dans ce cas-là, tu refais ton wudu. Et là, tu enlèves le doute complètement. D'accord? Ou bien, tu es dans la prière, hein? Je ne sais pas si j'ai fait 3 rakat ou 4 rakat. Hein? C'est la prière de Asr. Et je sais que j'ai fait la première, je sais que j'ai fait la deuxième. Mais je sais pas est-ce que j'ai fait la troisième ou la quatrième par la suite. J'ai un doute. Donc, qu'est-ce que tu dis quoi dans ce cas-là? Tu dis, bon, je regarde celui que je suis certain. Et le certain, c'est le plus petit nombre. Hein? Donc, dans ce cas-là, tu te bases sur trois. Parce que tu dis, le trois, je l'ai fait, je sais, mais le quatrième, je suis pas sûr. Alors tu dis bon j'ai fait 3 donc tu refais la quatrième, d'accord? Pour enlever le doute. Oui, à la fin tu vas faire prosternation sahou. Parce que des fois, si par contre tu vois que ça c'est quelque chose qui commence à se répéter trop souvent et que ça devient comme répétitif. Peut-être que dans la même journée, tu fais plusieurs prières, puis à chaque fois, tu commences à avoir des doutes à chaque fois. Et tu fais ton wudu et à chaque fois, tu as des doutes. Pendant la journée, tu vois que ça commence à se répéter. Ça devient des wiswas. Et dans des cas comme ça, il faut même pas tenir compte du doute. Tu fais ta prière comme si tu l'avais complétée, sans tenir compte du doute. D'accord? Pourquoi? Pour éviter les wiswas, parce que le wiswas, si ça rentre sur toi après, ça va corrompre ta religion, ça va corrompre ta vie. Hein? Il y a des gens qui deviennent malades à cause de ça. Ils vont faire le wudu 10 fois de suite. Et ils vont refaire la prière 4-5 fois. Parce qu'à chaque fois, ils ont des doutes. Est-ce que j'avais le wudu? Est-ce que j'avais pas le wudu? Est-ce que j'ai fait bien mon wudu? Est-ce que j'ai oublié mon oreille? Est-ce que j'ai oublié mon pied? Est-ce que j'ai oublié ma main? Hein? Et puis à chaque fois, ils retournent le faire plusieurs fois. Non. Tu coupes ça direct. Puis tu fais ton wudu, puis tu dis oui, je l'ai fait comme il faut. Puis tu vas faire ta prière, puis tu dis oui, je l'ai fait comme il faut. Hein? Toutefois, si ça arrive une fois de temps en temps, comme ça, que tu as un doute, alors tu sais comment faire, tu te bases sur la certitude. Et le doute, tu l'élimines. D'accord? Pardon? Hmm. D'a'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Et il y a beaucoup d'autres hadiths sur le doute, pas seulement celui-là, il y en a d'autres. Et il y a plein de hadiths sur cette règle-là, des versets dans le Coran aussi, qui supportent cette règle. Oui. Et quand vous regardez dans les livres sur al-qawa'id ou al-usul, al-qawa'id al-fiqhiyya, il y a plein d'explications sur ces principes-là. Ça, c'est une des grandes règles dans la charia. Ok, on s'arrête ici pour aujourd'hui, inshallah. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين et au prochain cours ce serait باب في الرجعة في الرجعة et الرجعة c'est comme on l'a expliqué tout à l'heure le fait que une fois qu'on a prononcé le divorce de reprendre la femme et c'est quoi les règles à ce sujet donc on va en parler vendredi prochain بإذن الله. Ok. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.